sur iHeartRadio. À Québec, le rock vit ici. Plus de classiques. Plus de rock. 98.9. Des classiques immortels. Classique. Un show sans filtre. Le rock vit ici. Rock and roll. L'unique show 100% rock en ville. The Rock Show. Le Rock Show. Avec Phil Branch. Comment ça va? Bon mardi soir, content de vous retrouver pour une autre édition du Rock Show après 3 heures complètement débiles avec la gang de Ça rentre au poste. D'ailleurs, si ça vous tente de réentendre tout ça, dans quelques minutes, ce sera disponible sur le podcast, sur l'application iHeartRadio. Je vous dis à ce soir, je sais pas, c'est peut-être le temps des fêtes, je me sens un peu festif. Je vous ai fait un beau line-up de tunes. On aura entre autres du Bush, Limp Bizkit, Metric, The Stroke, Oasis, The Black Keys, les Foo Fighters. Je vous dis, c'est un show ultra, ultra complet. Les amateurs de rock, vous allez vous trouver là-dedans, puis la musique va être bonne du début à la fin. La preuve, quand je dis du début à la fin, on débute ça avec le prince des ténèbres, malheureusement, qui nous a quittés l'été dernier, mais qui lègue quand même à la population entière de la bonne musique. Je parle bien sûr d'Ozzy Osbourne. Voici No More Tears, partout au Québec dans le Rock Show sur Énergie. Coming back. The man. Plus de Rock Show. Amplifié par Énergie. Chester, sending love from a bass compressor. Ground control with a soul like Bowie, and I'll chop you up if I'm under pressure. I don't really wanna brag, I'm just telling that I'm leaving with a bag. High five to the scarred and the strange, from the outlaw that'll never get tamed. Biscuit beats from the pirate band, sign this deal with a lobster hand. Freestyle like a bowling pin, flex these bars on a dolphin fin. Life's too short but I can't complain, doing backflips on a candy cane. Ride my scooter with a cape at night, and I'ma high five me a traffic light. I blink twice then I teleport. Got kicked out of the Trump resort, bought this cloud on a payment plan. Then I ghosted out in a minivan, mic in my hand like a waffle cone, spitting out syrup in the twilight zone. Got no job but I'm on the clock, and you can't stop me cause it's your own stop. Hey ladies, you're not. You know I'm hot. How many licks till the pepper gon' pop? Told my cap it's the CEO. Then I moonwalked in a UFO. Mic my shoes with a Christmas wreath. Dropping these bars while I brush my teeth. Flipping this verse like a boomerang. Landed on stage in your backpack filled with a new disease. Telling my doubts I'm hard to please. We don't care, we bounce on clouds. Sing off key and we're still too loud. Biscuit drops, the place explodes. Jumping through life in my pantyhose. Still no job but I'm on the clock, and you can't stop me cause it don't stop. I see through your act and I still enjoy the show. Yeah. Merci pour ton message sur le 6-12-12. Il m'a déjà fait sa demande spéciale. Faites comme lui, c'est le temps de me placer ton petit Tipa Game Phil sur le messagerie texte au 6-12-12. Vous avez envie d'entendre quoi? Dans les prochaines minutes, Matrix en vient avec Breathing Underwater, mais pour l'instant, toujours aimé cette tune-là. Et surtout, l'album au complet est bon. Les Strokes, l'album Is This It? Si vous avez un album des Strokes à écouter, selon moi, c'est le premier, c'est celui-là. Et voici le premier extrait, Last Night sur Énergie. So I turn around, oh baby. Salut, c'est le Boost. Demain, 5:25. Je vous laisse aller parce que pendant que l'autre promo là, que personne joue, j'ai trop parlé. Fait c'est le lendemain de victoire contre les Sénateurs. Donc, il y a une grosse possibilité de chant encore tous ensemble. Monsieur Minou va être là demain. Ouais. Ben, puis la voûte de Noël qui se poursuit. À demain. Dans le Boost. Salut. Tremblay, merci pour ton texto au 6-12-12. Michael m'a texté, m'a dit, dans moins d'une semaine, pour la première fois de sa vie, il va voir enfin Papa Roach en spectacle. Le groupe qui a fait à peu près toutes les villes au Québec, mais c'est l'été dernier, mais là, il s'arrête à la Place Belle lundi prochain avec The Hughes en première partie. J'avais envie de vous offrir, pour Michael, une toune de l'album Infest. Voici Broken Home sur Énergie. Broken Home. All alone, broken home, all alone. wish I had someone to talk to, someone I could confide in. I just wanna know the truth. I just wanna know the truth. Show Rock en ville. Amplifié par Énergie. All right. Yeah. Well, I must admit, I can't explain any of these thoughts racing through my brain. It's true. Baby, I'm howling. Something wrong with this plot. The actors here have not got a clue. Baby, I'm howling for you. I'm howling for you. Yeah. Rock Show. Salut Seb, merci pour ta demande qui est rentrée sur la messagerie texte au 6-12-12 et bonne route vers la maison. Merci d'être à l'écoute. Il y a également Danny qui est bien relax à sa maison. Les enfants sont dans le sous-sol, s'amusent, ils sont peut-être en train de faire des mauvais coups. Moi, une grosse journée, je me suis débouché une bière puis j'écoute la bonne musique du Rock Show. Danny, ça sert à ça, décompresser le Rock Show. La musique va être bonne jusqu'à la fin. Également, je vais vous parler dans une vingtaine de minutes d'une nouvelle sortie sur Nintendo qui s'appelle Metroid 4. Ça sort dans 2 jours. J'ai eu la chance de l'essayer avant tout le monde. Vous allez avoir mon avis. Aerosmith au retour de la pause avec Youngblood. U2 également. Il y a un classique des classiques d'Oasis. C'est Wonderwall. Ça vient au retour de la pause. Tu penses que c'est intense? Attends de voir ce qui s'en vient. Le Rock Show. Énergie. Cette année, c'est Énergie qui paye la viande. Paye de la viande. Pour 5000 piastres de viande. Steak, blé d'Inde, patates. Ben non, c'est la recette du pâté chinois, ça? Ben non. Steak, côtelettes, filet mignon, direct à votre porte. En semaine dès 14h55, écoutez Ça rentre au poste et participez à la ligne très ouverte avec Seb Trudel, Julie Beau et Mario Tessier. À gagner, 1 an de viande de qualité supérieure, offerte par Alimentation Première. Couronnée de leur service exceptionnel toute l'année. Valeur de 5000$. Plus de concours qui font saliver. Plus de fun. Énergie. Ici Isabelle Viau. La nuit prochaine, à partir de 20h, fermeture de 1 à 2 voies sur 3 sur la capitale ouest à la hauteur du boulevard Pierre-Bertrand. Puis, à partir de 21h pour le reste de la nuit, fermeture complète de la capitale ouest à la hauteur de Robert Bourassa. Attention, chute de prix chez e-box. Internet fibre 1 gigabit par seconde à seulement $55 par mois. Manque pas ça et abonne-toi aujourd'hui au e-box.ca. Jusqu'au 3 décembre, chez Family Prix, profitez de 25 % sur les soins sélectionnés Karine Jonka. Family Prix, des économies qui brillent. Les fêtes à l'hôtel Casino de Charlevoix, c'est un couple qui se gâte avec des bulles dès l'apéro. Un groupe d'amis qui s'amuse autour d'un bon repas au restaurant Le Saint-Laurent. Une famille enfin réunie pour un séjour à l'hôtel Fermont, le Manoir Richelieu. Un DJ qui donne le ton aux célébrations du 31 décembre. Bref, à l'hôtel Casino de Charlevoix, on garde le meilleur pour la fin. Une expérience Loto-Québec. 18 ans ou plus. Je dois vraiment réduire mon temps d'écran. Pendant la cybersemaine Sephora, sérieux? Je sais, j'ai ajouté Supergoop et Valentino à mon panier et je magasine encore. Je suis allée chez Sephora chaque jour cette semaine pour Living Proof Inners et je suis repartie avec zéro regret. 30 % de réduction sur différentes marques chaque jour. Je comprends pourquoi tu y retournes. Et 50 % de réduction sur plus de marques lors du Vendredi fou. Ah, c'est la meilleure semaine. La cybersemaine est en cours. Aubaine quotidienne toute la semaine et jusqu'à 50 % de réduction sur certains essentiels. Prend fin le 4 décembre. Des exceptions et modalités s'appliquent. En ligne sur sephora.ca ou en magasin. Un problème juridique vous trotte dans la tête? La tentation est forte de faire appel à l'intelligence artificielle pour y voir plus clair. Mais l'IA n'a pas toutes les réponses. Il arrive même qu'elle propose les mauvaises. Se fier uniquement à l'IA n'est pas sans risque. Faites appel à l'expertise d'un avocat capable de comprendre et d'analyser votre situation spécifique. Ou encore, consultez la Clinique juridique du Barreau du Québec pour clarifier votre situation. Une solution gratuite et accessible à tous. À l'ère de l'IA, n'oublions pas l'IH, l'intelligence humaine. Il paraît que l'école est fermée jusqu'à nouvel ordre. J'ai sorti mon set de ski de fond usé à la corde. Tantôt on va regarder ciné cadeau dans ce sol. On est arrivé à temps. C'était temps que le temps des fêtes se pointe au bout du nez. Pour te souhaiter bonne année grandée. S'offrir du temps ensemble, c'est magique. Ciné cadeau, dès le 5 décembre à la télé, sur le web et l'appli de Télé-Québec. Visitez shopico.ca pour économiser gros sur des offres formidables. Par exemple, amusez-vous en gang avec les excursions de l'Ouest. Découvrez la brasserie La Baraque. Offrez-vous un moment de détente au Siberia Spa et participez à une visite animée du Vieux-Québec avec les promenades fantômes. Vous voulez offrir quelque chose d'original? Optez pour une carte cadeau Shopico et laissez chacun choisir ce qui lui plaît. Shopico.ca. CA Québec vous offre sa carte classique au meilleur prix de l'année. 6,25 $ par mois. Oui, c'est moins cher qu'un grand latte. 6,25 par mois pour des économies chez nos partenaires, dans les garages recommandés, sur l'essence, à la boutique CAA et même sur des offres voyages exclusives. Et bien sûr qu'à 6,25 par mois, ça inclut les services d'assistance routière, le dépannage, le survoltage et même un accompagnement si vous ne pouvez pas conduire. L'hiver arrive, soyez prêts. Devenez membre pour seulement 6,25 par mois. Même pas besoin de sacrifier votre budget café. Offre d'une durée limitée. Détails sur caquebec.com. Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes. Salut, c'est la bottine souriante. Si comme nous, vous êtes du monde de party et que vous voulez un retour bien accordé, n'oubliez pas d'appeler l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Et si vous aimez autant veiller tard que veiller sur le monde, ben on est toujours à recherche de bénévoles. Si vous voulez partir, Nez Rouge vous ramène à la porte. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. On devrait changer pour Bell, nous autres aussi. Bell, oublie ça, il est bien correct, notre Internet. Ben, c'est toi qui chiale tout le temps après. Ben là, c'est pas parce que les voisins ont changé qu'il faut changer nous autres aussi. Il est correct, notre Internet. C'est pas ça que tu me disais hier. Et je cite, espèce d'Internet de... de Régine, molle... par la fenêtre. Ben là... Ouais, c'est ça. T'as bien raison, on passe à Bell. Bon. Passez à la technologie la plus fiable avec Bell Internet Pure Fibre. Vous en serez bouche bée. Visitez Bell.ca pour découvrir nos offres et pour vérifier la disponibilité. Bell, tout part d'une connexion. Lorsqu'un enfant est à l'hôpital, les visiteurs viennent le saluer. Et lorsque les heures de visite sont terminées, ils s'en vont. Et la famille, elle, elle reste, coûte que coûte. Pour la maison Ronald McDonald, les familles ne devraient pas avoir à se battre seules. On veille donc à ce qu'elles aient du soutien, des repas chauds et un endroit où se reposer. Car lorsqu'un enfant est malade, on reste ensemble, en famille. Et la maison Ronald McDonald les accompagne. En ce moment, c'est le Vendredi fou chez Rona. Et qui dit Vendredi fou dit nos meilleures offres de l'année. Genre sur ben des produits. Impossible. Pas sur les lumières de Noël Landon & Co. sélectionnées. À 50% de rabais? Ben non. Puis les toilettes allongées, deux pièces Spezia, elles. À 50% aussi? Ben ouais. Puis le rouleau de peinture aromatisé? Hey, arrête d'inventer des affaires. On n'en vend pas de ça. Je te testais. Ah! Profitez de ces offres-là jusqu'à mercredi durant le Vendredi fou chez Rona. Des conditions s'appliquent. Plus d'offres au rona.ca. Oh. À Québec, sur iHeartRadio. En semaine, vos journées commencent dans le gros fun, dès 5h25, avec le Boost, la gang la plus solide en ville et le légendaire François Pérusse. Plus de classiques. Plus de fun. 98.9. Gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it out. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. But they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. niquer la planète entière peut aller chier. Fous-moi la paix, fous-moi la paix pour un instant. Ma trajectoire que je transporte au sommet de la montagne. J'en prends une pause pour plus que deux secondes. Au lieu de courir après le monde, j'ai pas la force d'aller en Espagne. Une mort se fatigue, la planète entière peut aller chier. Fous-moi la paix, fous-moi la paix pour un instant. J'ai plus faim pour mes finances. Le bruit mange le silence. J'paye pour une balance qui coûte cher. Coup à la tête, un moment d'inertie. J'compte les plaies en disant merci. J'paye pour mon crâne qui roule par terre. Jeux vidéo. Hey là, arrête tes jeux là, viens souper. À l'approche du temps des fêtes, une autre chronique jeu ce soir. Un jeu qui sort sur la Nintendo Switch et la 2, également Nintendo Switch 2, qui s'appelle Metroid Prime 4 Beyond. Donc, c'est le quatrième d'une trilogie qui est sortie dans les années 2000. Parce que le premier est sorti en 2001-2002, si ma mémoire est bonne. C'était sur la GameCube. Il y a eu le 2, il y a eu le 3. Et là, ben ça faisait des années qu'on attendait Metroid 4, Prime 4, en fait. Et finalement, c'est sorti. Est-ce que l'attente en a valu la peine? Si vous avez une Nintendo Switch 2, parce que moi j'ai fait mon test sur cette console-là, oh balai! Quel jeu de grand, quel jeu le fun! Visuellement, c'est très très beau, on voit enfin la puissance, on voit enfin ce que la Nintendo Switch 2 a dans le ventre. L'histoire est tripante, bon, mais pas révolutionnaire cependant. Comme à chaque fois, on débute avec le personnage principal qui a à peu près toutes les armes, il se passe de quoi, puis on les perd toutes, et après ça, on doit les retrouver. On se promène dans un monde qui est vaste, qui est grand, et ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de... Ah, tu dis, OK, je vais me prendre une note, il y a ça ici, m'en revenir plus tard. Beaucoup d'affaires à faire, beaucoup de missions, beaucoup de trucs à aller chercher. C'est des donjons qui sont vraiment, vraiment le fun. Visuellement, c'est beau. Nouveauté, on peut se promener sur une moto. C'est trippant. C'est trippant. C'était pas essentiel dans le jeu, mais c'est trippant. C'est ce que j'ai envie de dire pour cette fameuse moto-là. C'est facile à contrôler également. Il y a plusieurs modes. Vous pouvez jouer avec une manette en main de façon très, très, très classique. Ou encore, vous prenez la Joy-Con, la manette, vous la mettez de côté. Ça devient comme une souris. Et là, ben, on peut vraiment jouer un peu plus comme si on était sur un PC et viser. Moi, mon genre. Moi, je suis plus un joueur de manette. Mais j'ai joué avec mon gars qui, lui, est habitué de jouer avec une souris. Et ça s'est très, très bien passé pour lui. Il y a le fun docké, donc sur la télé. Il y a le fun également si vous jouez en mode portable. C'est pas trop petit. On voit bien. C'est clair également. La courbe d'apprentissage, cependant, est peut-être un peu rock'n'roll au début. Ouais, là, tu fais comme, et tabarouette, OK, il me semble que le tutoriel est pas facile, puis après ça, ça devient un peu plus facile. Mais les combats sont le fun, les boss, c'est de trouver les failles également. Le gameplay, c'est amusant, et si vous avez une Nintendo Switch 2, vos enfants jouent beaucoup à Donkey Kong, Bonanza, à Kirby ou encore à Mario Kart. Ce jeu-là est peut-être plus pour, tu sais, 12 ans et plus. Ouais, moins enfantin, plus le fun, plus stratégique. J'étais un grand, grand fan de la licence Metroid. J'avais hâte au Metroid Prime 4 et je me suis régalé. Je l'ai presque fini déjà. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est en first-person shooter. Il y a de quoi de vraiment le fun là-dedans. Merci à la gang de Nintendo Canada de m'avoir permis de mettre la main sur le jeu avant même sa sortie. Au retour, on poursuit le Rock Show avec Sum 41 et Still Waiting sur Énergie. Qui font trembler la ville. L'épicentre du rock est ici. Le Rock Show. Énergie. Salut, c'est Patrick Groulx. Je viens tout juste de lancer mon 5e spectacle Trop longtemps seul. Parce que ma blonde est loin, mes enfants sont grands, puis je passe trop de temps à me poser des questions stupides pas faire des observations inutiles. Mais ça fait des maudites pun jokes, par exemple. En plus, j'amène avec moi en tournée le curé Poirier et pour la première fois en 20 ans, le brigadier. J'aime ça, les vedettes. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vus. Venez me voir. Parce que je me sens seul. Pour des billets partout au Québec, rends-toi sur le patrickgros.com. C'est trop tentant. Ici Isabelle Viau, en lien avec des travaux la nuit prochaine, il y aura fermeture complète de Robert Bourassa en direction sud, entre le chemin Sainte-Foy et le chemin des Quatre-Bourgeois. Et au cours de la journée de demain, entre 5h30 et 15h30, l'accès chemin Saint-Louis vers la 175 sud complètement fermé. Cette semaine, chez Métro, économisez sur le bœuf haché maigre au format économique à 4,99 $ la livre ou 11 $ le kilo. Rendez-vous sur metro.ca pour tous les détails. Clive atteint de nouveaux sommets. Vous n'êtes pas prêts. Plus abondant et plus impressionnant que jamais, avec l'ajout de plus de 10 000 heures de nouveaux contenus. Oh, tu vas capoter, man. De grands événements en direct, du sport, les nouvelles de nouveaux infos et plus encore avec le contenu de 18 chaînes télé populaires comme Nouveau, Canal Vie, Canal D et Investigation. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup. Sans parler d'une nouvelle expérience plus personnalisée. Tout ça pour le même prix. Wow! Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Chez Couche-Tard, obtenez un billet Célébration 2026 gratuit à l'achat de deux caisses de 18 ou 20 sélectionnées. Parmi celles-ci, profitez du prix minimum sur la caisse de 18 Budweiser. Dépêchez-vous, l'offre est limitée. 18 ans et plus. Consommez de façon responsable. Qu'on vous reconnaisse au quotidien par votre regard captivant, votre sourire éclatant ou votre style extravagant, votre identité est unique. Et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale. C'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant au québec.ca/authentification gouvernementale. Un message du gouvernement du Québec. Vas-y, je t'écoute. Bravo, bravo, ma Charlotte. Ça paraît que t'as pratiqué une vraie virtuose. Ton avenir est assuré. À tout âge, on a besoin d'être rassuré. Et quand l'assurance vie santé et invalidité de Desjardins Assurance protège ce qu'on a de plus précieux, ça aussi c'est rassurant. Donner des cadeaux pendant les fêtes, c'est compliqué. Ton oncle veut des bas, ta nièce veut de l'argent, ton voisin veut juste que tu lui redonnes sa petite souffleuse. Peut-être à la fin de l'hiver. Mais là, tu reçois un 12 pouces classique gratuit quand t'achètes 50 $ en carte cadeau Subway. J'aime ça. Un 12 pouces classique gratuit quand j'achète 50 $ en carte cadeau Subway? Oui! C'est un cadeau qui fait l'unanimité! Ça, c'est un miracle des fêtes! Puis ça goûte bien meilleur que des bas. Ça, c'est vrai. Dans les restaurants Subway participants, limite de 4, se termine le 31 décembre. Parlez de la maladie pneumocoque invasive à votre médecin. L'âge et certaines conditions augmentent votre risque. Informez-vous au sujet de CapVaxive auprès de votre médecin ou visitez capvaxive.ca. CapVaxive peut aider à protéger contre les pneumocoques invasives. Peut ne pas protéger tous les vaccinés. Des effets indésirables et des réactions allergiques sont possibles. Conduire après avoir bu. Non. Marcher 5 km à 2 heures du matin. Non. Ne pas avoir votre taux le lendemain. Oh non. Prendre TZ Capital National? Ah oui! C'est votre service de raccompagnement 365 jours par année grâce à la présence de chauffeurs volontaires. Faites le choix le plus simple. On vous accompagne, vous et votre voiture, en toute tranquillité. Rentrez en sécurité, profitez pleinement. TZCapital.com, avec la contribution financière de la Société de l'assurance automobile du Québec. Pour agir sur les inégalités sociales et lutter contre la pauvreté et l'exclusion, IGA des sources met les bouchées triples. Jusqu'au 14 décembre, lorsque vous faites un don à Centraide, IGA des sources triple montant. C'est trois fois plus de support aux 225 organismes, trois fois plus de soutien aux personnes les plus vulnérables et trois fois plus de biens dans notre communauté. En cette période des fêtes, donnons généreusement au centraide-québec.com. Nouvelle offre Virgin Plus, prise 1. Profitez d'un forfait. Oh, Sam, je sonne comme un robot. C'est bon. Prise 2. Profitez d'un forfait. Ah, là, je sonne comme un chipmunk. C'est ma faute. Prise 3. Oui, c'est mieux. Notre gars de son fait peut-être des erreurs, mais ce qui en est pas une, c'est l'Internet pas cher à partir de 39 $ par mois avec des avantages de membres sur la bouffe, la mode et les divertissements avec Virgin Plus. Visitez une boutique Virgin Plus ou virginplus.ca pour les détails. Les conditions s'appliquent. On n'a jamais trouvé les fins de mois faciles avec mon chum. Mais depuis quelques mois, même en coupant dans nos dépenses, on n'arrivait plus. C'est là qu'on a contacté Roy Métivier Roberge. Savez-vous que la très grande majorité de nos clients sortent de l'endettement sans faire faillite? Pour en savoir plus sur les solutions qui s'offrent à vous, prenez rendez-vous avec nos conseillers. Ils prennent le temps de vous écouter, car avec eux, c'est vous avant tout. Roy Métivier Roberge, syndic autorisé en insolvabilité. 5 étoiles sur Google, rmrsyndic.com. Dans une télé-réalité aux allures de conte de Noël, Catherine Levac accompagne telle une fée marraine. Catherine Fidiadis a trouvé l'amour en 24 jours. Je vais tout faire pour que cette année, au réveillon, soit accompagnée. Chaque jour du 1er au 24 décembre, Catherine ouvre une porte d'un calendrier de l'Avent plus grande nature où se cachent des prétendants plus séduisants les uns que les autres. T'imagines si l'amour de sa vie se trouve devant elle? Le calendrier de l'Avent, une série originale Crave. Regardez maintenant. C'est bon à Crave. À Québec, au 98.9. Sur iHeartRadio. Le rock vit ici. Plus de classiques. 98.9. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Just lies and more contradiction. Tell me, what would you say? I'd say it's up to us. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Ignorance and understanding were the first ones to jump in line. For what we believe in, but who's left?

eyes, knowing nothing is the same. Circling around a drain as I realize that there's no one else to blame. You keep me waiting. Yeah. practiced all the things I would say. She came over, I lost my nerve. I took her back and made her dessert. Oh, I know I'm being used. It's okay, man, cause I like the abuse. Oh, I know she's playing with me. That's okay, cause I got no self-esteem. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. We make plans to go out at night. I wait till 2, then I turn out the light. This rejection got me so low. She keeps it up, I just might tell her so. Merci d'avoir été là, merci d'avoir profité du Rock Show en ce mardi soir. Ça fait un réel plaisir de vous accompagner. Joe, merci pour ton texto. Christian également qui m'a texté dans les dernières minutes. Il y a Luce qui est là, bien branché sur Énergie. Au retour de la pause, on s'offre un last call d'un band que j'ai jamais vu en spectacle, mais que j'aime beaucoup et que j'ai appris à découvrir dans la dernière année. Je suis plus intéressé à Motorhead. Je sais pas pourquoi, peut-être avec la mort d'Ozzy, mais ça, on va aller voir un peu c'est quoi ça. C'est vraiment, vraiment bon. Au retour, le last call, c'est Ace of Spades. Oh yes! À demain, tout le monde! Au retour, que du rock. Toujours du rock. Le Rock Show. Énergie. Le show du midi le plus fun au Québec. Avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. Et après ça, Marie prend la relève avec 500 $. Et Olivier Charon a gagné aujourd'hui 8 enfants. Il a gagné 500 $ chez Farmaprix. Je saurais quoi acheter, moi. Oui, des condoms. Demain, 11h25, toujours live sur l'application iHeartRadio et à Énergie. Énergie. C'est notre plus grand solde du vendredi fou chez Dormez-vous. Laissez-vous bercer par des offres sur une vaste sélection de matelas et d'accessoires. Hey, vous savez pas quoi? Provision Saint-Odile t'offre la caisse de 12 canettes de Bud et Bud Light à seulement 17,99. Oui, s'en fout de même. Passe aussi voir leur grand choix de bières de microbrasserie. Provision Saint-Odile, 137 des chaînes Ouest, Québec, à deux pas du Colisée. Envie d'évasion? Jusqu'au 20 décembre, Voyage Paradis vous fait profiter d'économies exceptionnelles sur ses forfaits exclusifs. Croisière, voyage en famille, en couple ou en solo, ou escapade entièrement sur mesure. Avec Voyage Paradis, vos rêves prennent le large depuis 1955. Chez Jean Coutu, on trouve de tout pour les fêtes. Même un Dominique Paquet qui se souvient pas du parfum de sa blonde. Oui, c'est ça. Ben, il sent assez bon, là, comme une odeur de femme. Comme le numéro 10 ou 12, peut-être. Besoin d'un cadeau? Jusqu'à mercredi seulement, passez une commande en ligne à jeancoutu.com et obtenez 25 fois les points moins à l'achat de 75 $ ou plus de presque tout. Valide sur les commandes en livraison ou ramassage. Certaines conditions s'appliquent. Détails à jeancoutu.com. Ouais, quand elle push-push, ça fait pss, pss, ça aide-tu, ça? dans une télé-réalité aux allures de conte de Noël. Catherine Levac accompagne, telle une fée marraine, Catherine Fidiadis, à trouver l'amour en 24 jours. Je vais tout faire pour que cette année, au réveillon, soit accompagnée. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, Catherine ouvre une porte d'un calendrier de l'Avent plus grande nature où se cachent des prétendants plus séduisants les uns que les autres. T'imagine si l'amour de sa vie se trouve devant elle? Le calendrier de l'Avent, une série originale Crave. Regardez maintenant. C'est bon à Crave. Allô? Allô, maman? Le souper est un désastre. Oh, ma fille. T'as-tu suivi ma recette? Ben oui, je l'ai suivi. Sauf que j'ai utilisé du lait d'avoine au lieu de la crème, du tofu au lieu de la dinde, puis il n'y avait plus de sauge. Ça fait que j'ai mis de la coriandre. Fac, t'as pas suivi ma recette. Il y a des appels trop savoureux pour être manqués. Restez proche de vos proches pendant les fêtes grâce au meilleur réseau 5G plus au pays. Visitez un magasin Bell ou belle.ca/fête pour découvrir des offres incroyables sur nos forfaits et téléphones. Bell, tout part d'une connexion. Chez Walmart, vous n'avez pas à attendre un solde. Vous pouvez compter sur nos bas prix de tous les jours. Par exemple, procurez-vous un ananas géant Golden pour seulement 2,98 $ chacun. Walmart, économisez plus, vivez mieux. À Québec, sur iHeartRadio. Le plus long power play musical est à Énergie. 20 gros classiques de suite. En semaine dès 9h, écoutez vos classiques au travail. Plus de classiques. 98.9. Plus de fun, même en soirée. Énergie le soir. Énergie. Et une danse, on ne sait pas de problème. Peut-être qu'il pense être les mêmes. Il danse pour faire les raisons qui enchaînent les filles avec les garçons. N'importe quel garçon, il se regarde mais s'ignore en même temps, il se regarde mais he danse. En complaisance, ils pensent comme s'ils étaient seuls et s'isolent en eux et haïssent la joie de ceux qui dansent. Ils se regardent mais s'ignorent en même temps. Ils se regardent mais s'ils gardent leur rang. Ils ont moins de plaisir qu'ils ne le pensent, ces gens qui dansent. Pas de la poix, de la paix, monsieur. C'est toi qui me fais bafouiller. Plus de sécurité, plus de fun. Énergie. Faites un pas devant, en arrière.